La triade du Xen. En bas des bars du Xen, aka Jim Sou, mentalité Bagdad. Le Xen déboule, débarque, comme Eddie écrit des bars. Et au départ, c'est juste un jeune du Tchégar. Au début, je rappais seul, tout, puis j'ai rencontré Dar. Au lycée, j'ai intégré son groupe un peu plus tard. Et j'y progou Rouya, alors je taffe dur. En n'oubliant pas les putes et les ordures. Car beaucoup auraient voulu freiner mes ardeurs. En me disant, Luc, ça n'arrête, frère, t'es pas à la hauteur. Mais j'y crois pas, eux. Mais je sais ce que je veux, moi. C'est pas eux qui vont me dire ce que je dois faire, moi. Ce qu'ils savaient pas, c'est que ça m'a boosté trois fois plus. En me disant, Inch'Allah, je sortirai mon premier opus. KMF était mon premier groupe, mes premiers pas. Et en prenant de l'âge, nous ont quittés en tournant la page. Moi et Darwa, on a formé alors la triade. Collectif qui réunissait quelques jeunes de scène. Bibi Big Up aux frères, aux Russes, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Bibi Big Up l'Algérie, la famille, les amis, pour les proches et dans. Bibi Big Up aux frères, aux Russes, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Bibi Big Up l'Algérie, les amis, la famille, pour les proches et dans. Percer, faut pas virer, boire, juste persévérer. Les putes mettent de côté quand tu brasses, viennent t'accoster. Certains s'en foutent, d'autres braquent, d'autres ils foutent. Moi c'est le rap, certains diront que je suis fou. Non, je suis juste arabe. Et je vais pas te mentir, je sais que c'est dur de s'en sortir. Alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Et je sais qu'il y a pire. Alors je taffe sans répit en espérant que ça paie. Et s'il y a pas de fiche de paix, mais arrange-moi, ça me plaît. Je passe des nuits entières à écrire mes textes. Si tu me parles et que tu es ailleurs, c'est classique et dans ma tête. Pour me mettre bien, me faut une feuille et un stylo. Hey, je suis bien sur scène, je suis bien en studio. Bibi Big Up aux frères, aux Russes, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Bibi Big Up l'Algérie, la famille, les amis, pour les proches et dans. Bibi Big Up aux frères, aux Russes, aux potes et ceux qui m'ont toujours supporté. Bibi Big Up l'Algérie, les amis, la famille, pour les proches et dans. Big Up au premier grand qui m'a fait poser. R.O.S, je te remercie frère, je t'ai pas oublié. Big Up à l'Oscar qui a toujours cru en moi. Toujours serviable et moi, je fais la même pour toi. Big Up à la scène, m'a donné un gros coup de pouce. Comme lui, Big Up aux frères et Big Up aux cousins. Big Up à Ballastic Dog et son flow West Coast. Et bien entendu, Big Up à Guerre d'Holocauste. Big Up aux frères des Ali Baro, M.E.H, Legmaner, Radio Black, Baba Boulaye et tout le maï. Big Up à M.A.D, prêt à s'investir ou investir. À la compète, on vit si on se tire. Big Up à Sultan, rappeur d'instinct, Kaskami, Alibi, Siduo, OGB, Olzico, AKI. Big Up à tous ceux qui sont venus lâcher des bros. Et Big Up à tous ceux que j'ai pas pu faire bros. Et Bibi Big Up, mentalité Baba Bagdad. Big Up au bonhomme, Darwa Moubinoum, DJ Banane, le frère de Panam. Aïe, la tête sur le macadam. Aïe, hein. Je remercie tous les frères avec qui j'aurais pu collaborer. Tous ceux qui ont participé au projet. L.I.M, Sama, Tchoussoufa, les deux bois, le GB. Tous ceux qui m'ont aidé, Alibi, Larsen, hein. Tous les grands R.O.S, Black Ski, Commando Armé, M.A.L.S qui sort son projet bientôt, c'est du lourd. Joe Beck qui m'a souvent dépanné, toi-même tu sais. Aïe, Adja qui m'a toujours bien conseillé. La pupille d'Aren Koch, aïe aïe aïe. Les acariens, brac, c'est du lourd. Soit Dramani, la nouvelle voix française. Rolf D, Joey Fix, aïe, hein. A tous les frères partis, à la prod, y'a DJ Banane, Fourtrax, Hakim, Besset, Farid, aïe. A tous les frères partis, Fawzi, Bouna, Ziheb. Thank you. te martèle en tête comme le blast de Martin Luther King ou de Boumédienne. Les mêmes thèmes toujours, sous le même méridien. Les yeux fixés vers Médine, le cœur froissé par les liens. Ne compte pas les sacrifices qui mènent au mien. Jamais sans cicatrice, trop d'artifices. Pour tous ceux qui font de leur mieux quand tout va mal. À ceux qui restent reconnaissants quand tout va bien. Comprends-moi bien, donne un sens à la vie avant que le système te la vide. Ma volonté, souvent violée par des valeurs que peu de personnes se donnent la peine d'appliquer. Aujourd'hui, ils pensent tous qu'à protéger ce qu'ils ont pu emmagasiner, sous prétexte du sentiment d'insécurité que Sarko, comme tant d'autres, ont su propager. Bienvenue dans le monde du capitalisme, où tout le monde veut être le capitaine. Où tout le monde veut être le capitaine. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, almighty bon nous force là. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, almighty bon nous force là. Alhamdoulilah, j'ai encore mon père et ma mère. Mais Faouzi, depuis que t'es parti là, j'ai perdu un frère. Et j'ai une pensée aux petits Ziad et aux petits Bouna. Cette cause poursuit d'Ivry Gargan à Clichy-sous-Bois. Y'a plus de respect, plus de valeur. Tout se bascule à 200 à l'heure. Dans nos têtes, les émeutes de 2005. Quand des bâtards s'en prennent même à nos lieux saints. Les mosquées, Clichy-sous-Bois, les bosquets. De Torcy à Bobigny, soldats restent postés. Pas de poster, mais Malik ou c'est qui dans nos pensées. Khaled Kelka, Ali, le petit Sidi Ahmed. Parti du beau, du mauvais côté. La France nous a boycotté. République, non. Ça ressemble plus à de la dictature. C'est sur la France remplie. D'où pas l'heure avec censure. On s'assure pour le futur. On sera pareil, mais maintenant, jour en jour, tout le monde est taille. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup, tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force là. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup, tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent. Almighty, bon nous force. Les valeurs se perdent comme les balles. Et se regagnent au combat. Car ici, bon, on te respecte. Que si tu tues, on t'abat. Donc du respect, si on t'en donne. Le rêche, mon tamponne. Rien à foutre de savoir si t'es seul au monde ou bien en bande. Quand on m'a dit, fils, avec tes potes, ne traîne pas. J'ai répondu que c'est un traître pour le nettoyage, ça traîne pas. J'ai un grand cœur pour les potes, la rancœur pour les putes et de la rancune. Car j'aime pas comme on cule. Je donne du respect aux femmes, mais pas aux tasses. Aux mères, mais pas aux grâces. Car le passé les étrace. Bébé, sache que ton corps veut de l'or. Souvent, c'est que du plaisir, donc pense à ton sort. Humble, force, courage sont mes valeurs. Je tâcherai de rester digne, même si je serai un voleur. Famille, ami, proche ennemi ou inconnu. Donne du respect, le reste est bien connu. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup, tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, almighty, bon nous force là. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup, tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, almighty, bon nous force là. Ils nous doivent un gros billet. Et c'est une dette coloniale. Une traite de délinquants et d'émeutiers. Au journal régional, ils ont dû oublier. Pour eux, un fait divers banal. Pour nous, un acte de barbarie raciste de plus dans les annales. Tout passe, mes reines s'effacent. Mon frère a fini dans un mur à Clichy, mon vermeil à cause de ses gros lâches. Aujourd'hui une grande marche pour Zia des Bouna, demain à qui le tour. Non vraiment ce monde ne nous convient pas. Ces états sans ascenseur ne nous convient pas. Fais appel aux pompiers, ils te disent clairement on vient pas. Alors qu'on vient pas me dire qu'on est écouté. Encore des problèmes comme celui à Dieu donné, j'en suis dégoûté. Les petits jouent dans un terrain de gadou, j'espère que vous m'écoutez. Quoi, qu'est-ce qui se passe, la vérité ils veulent éviter. Elle rougit les yeux mais ne les casse pas. Ces quatre explosifs des noms chez nous, les mots on marche pas. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, almighty bon nous force. Ce monde ne me convient pas. Ce qui me mène à militer, du coup tous mes sons sont des débats. Ce monde ne me convient pas. Car les valeurs se perdent, almighty bon nous force. Luxembourg Paris. La Triade. Ouais. 93 yeah. L'étendard. 93 l'étendard. Fédère production. Bureau au ciel, au chien. Ouais. Chacun son lustre. La famille, t'inquiète. Si. Forest Fosse Family.